veut le cuss. On est 4 dans la caisse. Au 100 passe le 2, je lui donne la moitié de la pièce. Je dis de la perte, pas du sale, je suis là pour ôter l'eau, je la fourre. Pute, je suis mon propre four, je n'ai rien d'autre à faire. Allons faire un tout tout tour dans la cloche, y'a tout tout tout. Dans la planque, le boum boum boum, twerk sur le ram pom pom. La fumée pom pom ponce, tout est bon bon bon. La fumée pom pom ponce, tout est bon bon bon. Cala, plus leur vie, leur donner du temps, j'ai plus l'envie. J'quitterai pas le navire, ils sont jaloux à mon avis. Cala, plus leur vie, leur donner du temps, j'ai plus l'envie. J'quitterai pas le navire, ils sont jaloux à mon avis. Déjà gros possédé, pélo. Nique une go qui voit jamais ses pieds, bêlé contre choc, on est plein de cipines. Si t'es limite, bah on va pas céder. Si t'es une pute, on va pas s'aimer. Remballe ton kéh, il est dépassé, sèh. Dans le veau, c'est retassé. Faut dire des salsa, la vie c'est retassé. On finit sur All Star. Pas si t'as pas ça, ça c'est pas mes histoires. Là y'a un tabac, là viens pas gratter ma dame. Dans le veau, c'est retassé. Faut dire des salsa, la vie c'est retassé. On finit sur All Star. Pas si t'as pas ça, ça c'est pas mon problème. Moi, personne m'a donné à part Lyonzon. J'ai pas de stress, pote. C'est négro, j'ai pas de cell phone. Pour ces salopes, c'est que des petites folles. J'achète pas des petites feuilles, salope. Je nous appris, ça fait péter des nuques, ça fait gonfler mon porte. Tu fais pas la bise, parce que tout le monde lui a mise. J'ai pas de dos si j'ai pas de cannabis dans la team que des numéros 10. Beaucoup dans le poncho pour se rebien ensuite, ces bâtards ils ont tous pris la fuite. Son haleine sent beaucoup trop la clope, c'était ce genre de clope. Beaucoup trop de séché ses potes, c'était ce genre de drogue. Pas de pitié pour ces salopes, je sais que c'est salope pour la frousse. J'ai un gros paquet de groupies sauvages, prépare quand même mon pack de bouffe. C'était ce genre de salope et les BD qui fuient pour des petites secousses. J'ai un gros paquet de couches dans une petite sacoche. Tu sais déjà qu'on va pas céder, pélo. Nique une go qui voit jamais ses pieds, bêlé contre choc. On est plein de cipines, si t'es limite, bah on va pas céder. Si t'es une pute, on va pas s'aimer. Remballe ton kéh, il est dépassé, sèh. Dans le veau, c'est retassé. Faut dire des salsa, la vie c'est retassé. On finit sur All Star. Pas si t'as pas ça, ça c'est pas mes histoires. Là y'a un tabac, là viens pas gratter ma dame. Dans le veau, c'est retassé. Faut dire des salsa, la vie c'est retassé. On finit sur All Star. Pas si t'as pas ça, ça c'est pas mon problème. Moi, personne m'a donné à pas de l'autre. Fuso, quand c'est dit batter, tu peux avoir l'uso. Faut mieux mal chiuso. In giro di notte mi sento un lupo. La sprite è color sangue, nel mio sangue trovi sprite. Mi sento un Highlander, in guerra perdo mai. Sono su Ashish, si sente letto se salgo sul taxi. Sì, giovani pazzi, stronzo a costa che pago sti cazzi. Troia, sono sempre fresco sotto la mia tuta. Tiro fuori ciò che ho sotto, prendono la fuga. Tu sei l'otto, vai in buca, il tuo ministro me lo suca. La tua tipa chiama Sugar, entro in studio tutta Puma. Tu sei l'otto, vai in buca, il tuo ministro me lo suca. La tua tipa chiama Sugar, entro in studio tutta Puma. Tu sais déjà qu'on va pas céder, pélo. Nique une go qui voit jamais ses pieds, bêlé contre choc. On est plein de cipines, si t'es limite, bah on va pas céder. Si t'es une pute, on va pas s'aimer. Remballe ton kéh, il est dépassé, sèh. Dans le veau, c'est retassé. Faut dire des salsa, la vie c'est retassé. On finit sur All Star. T'as pas si t'as pas ça, ça c'est pas mes histoires. Là y'a un tabac, là viens pas gratter ma dame. Dans le veau, c'est retassé. Faut dire des salsa, la vie c'est retassé. On finit sur All Star. T'as pas si t'as pas ça, ça c'est pas mon problème. Moi, personne m'a donné à part Lyonzon.